Alors, c'est un mec qui rentre dans un café, et puis à ce moment-là, paf, le chien. Ah non, non, non, là tu t'es trompé là. Ah, parce que. Ah, attention! Ah! Ah! Ouh là là, comment il s'est cassé les Ouh, il a dû couilles! douiller là. Suite à une mauvaise chute, Aimé Bonaparte se trouve dans l'incapacité d'assurer sa chronique ce matin. Voici donc une rediffusion.